فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ Puis, quand nous eûmes écarté d'eux le châtiment, voilà qu'ils violèrent leurs engagements. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون Et Pharaon fit une proclamation à son peuple et dit Ô mon peuple, le royaume de Misr, l'Égypte, ne m'appartient-il pas ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds ? N'observez-vous donc pas ? Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer ? فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. Pourquoi ne lui a-t-on pas lancé des bracelets d'or ? Pourquoi les anges ne l'ont-ils pas accompagné ? فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Ainsi chercha-t-il à étourdir son peuple et ainsi lui obéirent-ils car ils étaient des gens pervers. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. Puis lorsqu'ils nous eurent irrités, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Nous fîmes d'eux un antécédent et un exemple, une leçon pour la postérité. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. Quand on cite l'exemple du fils de Marie, ton peuple s'en détourne. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. بل هم قوم خصمون. En disant, nos dieux sont-ils meilleurs ou bien lui ? Ce n'est que par polémique qu'il te le cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Jésus n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui vous succéderait sur la terre. Il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point, et suivez-moi, voilà un droit chemin. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. Que le diable ne vous détourne point, car il est pour vous un ennemi déclaré. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. quand Jésus apporta l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah donc et obéissez-moi. » Inna Allaha huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu. Hadha siratun mustaqim. Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Mais les factions divergèrent entre elles. Malheur donc aux injustes du châtiment d'un jour douloureux. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ Attendent-ils seulement que l'heure leur vienne à l'improviste, sans qu'ils ne s'en rendent compte? الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes, et il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Il y aura là pour vous beaucoup de fruits dont vous mangerez. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. Qui ne sera jamais interrompu pour eux et où ils seront en désespoir. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'étaient eux les injustes. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. Et ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. Ont-ils pris quelque décision entre eux? Car c'est nous qui décidons. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Ou bien escomptent-ils que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations? Mais si, nos anges prennent note auprès d'eux. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre. Seigneur du trône, il transcende de ce qu'ils décrivent. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur fausseté et s'amuser jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qui leur est promis. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. C'est lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre, et c'est lui le sage, l'omniscient. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. Et béni soit celui à qui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux. Il détient la science de l'heure. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. Et sa parole, la parole du prophète à Allah, Seigneur, ce sont là des gens qui ne croient pas. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Eh bien, éloigne-toi d'eux, pardonne-leur, et dis « Salut », car ils sauront bientôt.